amour est tombé l'autre nuit sur un lit de lumière, cette perle, cette étoile, cette mer ressemblait à la mer, avec ses grandes vagues ne se reposant jamais, cette perle, cette étoile. Je t'aperçois là-bas, au milieu de cette mer, sur une île déserte, à l'abri des naufrages, parlant au goéland, tes amis de voyage qui t'ont si souvent mené vers des nouveaux rivages. Une perle d'amour est tombée l'autre nuit sur un lit de lumière, cette perle, cette étoile, repoussant les démons, se heurtant aux rochers, rejetant les détours pour atteindre le jour. Tu marches sur la grève où les vagues déposent à tes pieds leurs joyaux. Tu es vraiment très belle, une perle d'amour est tombée l'autre nuit sur un lit de lumière, cette perle, cette étoile. Le ruisseau qui coule derrière ta tête ferait rêver des océans. Le matin, le soleil qui te réveille et qui éclaire ton corps si beau et si fragile, illumine tes yeux avec tous ses lampions et ses feux d'artifice comme à une vraie fête. Je te vois heureux, les cheveux au vent, dansant pieds nus comme les gitans, libre comme ces goélands, survolant la mer vers le soleil levant pour garder leur mystère.